paru futile. Je suis très bien comme ça. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Les tartes claquent. Les lumières s'éteignent. C'est backstage. Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous, Scream, jusque 10h30, la dernière de l'année. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter, enfin, un peu en retard, un joyeux Noël. Mais bon, le reste reste à venir pour la bonne année, je vous dirai tout à l'heure, hein, bien entendu. Aujourd'hui, donc, on va vous parler d'un album qui, lui, le 21 janvier, fêtera ses 34 ans d'existence. C'est le premier album d'un groupe très très très connu. Et on, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous donner le nom du groupe, je ne vais pas vous donner le nom de l'album. Je vais juste d'abord vous jouer un titre comme on fait d'habitude, la petite devinette du mercredi dans Backstage. Et pour après, on va commencer à vous parler de ce groupe, si vous n'avez pas pu reconnaître. Sinon, si vous avez été sur la page Backstage... vous avez sûrement pu déjà voir l'annonce de ce mercredi. Donc voilà, c'est parti avec le premier titre que je désannoncerai après, bien entendu, pour vous donner un peu l'eau à la bouche pendant 4 minutes 10. Oh man, réveil très rock'n'roll, hein. Alors j'espère que vous avez pu trouver ce groupe, hein. Voilà, allez, je vais arrêter le suspense. Le titre c'est Get Ready, et c'est le groupe Bon Jovi. Ben voilà, c'est leur extrait de leur premier album qui s'appelle tout simplement Bon Jovi. Alors pays d'origine, c'est des États-Unis fatalement, hein. Genre musical, ben ils sont classés plutôt dans le hard rock à leur début, glam metal, pop rock, pop metal maintenant. Année d'activité donc depuis 1983, ils sont sur le label Islands Records. Et le site officiel, c'est bonjovi.com. La composition du groupe est de John Bon Jovi, David Bryan, Hugh MacDonald, Tico Torres et Phil X. Les anciens membres sont Alec John Sush et Richie Sambora. Bon Jovi est un groupe de rock et heavy metal américain originaire de Sayreville, dans le New Jersey. Son nom provient de celui du leader et chanteur principal, John Bon Jovi. Donc de son vrai nom, John Francis Bongiovi. Bongiovi, qui s'écrit tout simplement avec un G et non avec un J. Et il y a O après, donc il y a I, un O. Donc voilà, c'est vraiment différent. Formé en 1983, le groupe connaît un grand succès dans les années 80 et reste la référence phare du glams metal de la fin des années 1980, en étant l'un des plus gros vendeurs de disques de l'époque et l'un des groupes accomplissant les tournées mondiales les plus imposantes, notamment quant au nombre de dates. Il montre une plus grande longévité que les autres groupes à cette période dite air metal, en mélangeant des éléments de hard, de metal, de roots, de blues, de folk, de pop et de country, enrichissant sa musique sur le plan artistique et sonore et se fabriquant ainsi un succès commercial qui dure jusqu'à aujourd'hui. Bon Jovi est l'un des rares groupes à avoir survécu à la vague grunge, et en effet, je peux confirmer, et alternative du début des années 1990, faisant même en Europe un triomphe assez important que les représentants du mouvement alternatif et Britpop, de l'époque. Bon Jovi compte plus de 35 millions d'albums aux États-Unis et plus de 130 millions d'albums dans le monde. D'après plusieurs articles de presse, le nombre de concerts effectués par le groupe s'élève à 2700, notamment dans la principale ville d'Asie, d'Europe, d'Australie, du Canada, de l'Amérique du Sud, en plus d'un très grand nombre de spectacles aux États-Unis. L'album Slippery When Wet, qui demeure l'un des disques les plus vendus de l'histoire du rock, avec un total de 30 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde à l'heure actuelle. Quant au New Jersey Tour de 88 à 90, il s'agit d'une des plus grandes tournées mondiales dans l'histoire du hard rock, avec 240 dates données en 17 mois dans 22 pays et dont l'Union soviétique. Sur certains CD disponibles sur internet, le chanteur est nommé John Bon Jovi, mais il s'agit de son nom de scène, son état civil, comme je vous le disais, et John Francis Bongiovi. C'est vrai que la tournée New Jersey était phénoménale. Je peux le dire avant qu'il devienne un peu trop entre guillemets grosse tête, on va dire ça comme ça. Sur, par exemple, je vais vous donner un exemple sur la tournée Boons qui s'était passée ici à Werther, c'est une anecdote. Il y a eu 2-3 petits problèmes de son, hein, à même pas une demi-heure du début du set, ben monsieur a râlé, il s'est barré, quoi. Et voilà, les gens étaient un peu déçus quand même. Allez, on va s'écouter un deuxième titre qui est pour moi le meilleur de l'album, et quand on entend cette chanson sur scène, quand il est effectué sur scène, bien entendu, tout le monde chante, et là déjà on entendait déjà à l'époque en 84 quand la sortie de l'album, ses prouesses de vocales, car c'est quand même une très très bonne voix, monsieur Bon Jovi, voilà, quand il monte assez bien dans les aigus et tout ça. Voilà, on va s'écouter Runaway donc de Bon Jovi. About the social Voilà, donc c'était Runaway, donc normalement c'est le premier titre de l'album, le titre de l'album en ouverture, mais voilà, j'avais décidé de vous jouer Get Ready avant, donc qui lui termine l'album, clore l'album, voilà. Donc Runaway, donc premier titre de l'album de Bon Jovi, sorti en 84. Alors la formation de 75 à 83, le chanteur principal John Bon Jovi commence à jouer du piano et de la guitare à l'âge de 13 ans. Donc voilà, petite parenthèse, si vos enfants demandent à apprendre de l'instrument, plus tôt c'est mieux c'est. À l'âge de 13 ans, jouant des chansons d'Elton John, au même âge, il forme son premier groupe, Raise. À 16 ans, Bon Jovi rencontre David Bryan, donc c'est le claviériste de David Bryan, à l'école Sayreville War Memorial High School, où ils forment ensemble le groupe de R&B, ça c'est marrant quand même, nommé Atlantic City Expressway. Il joue dans différents clubs du New Jersey. Encore adolescent, John Bon Jovi jouait dans le groupe John Bon Jovi. On peut trouver quelques démos sous le nom de Bon Jovi, mais c'est pas évident de trouver, je tiens déjà à vous le dire. Donc le groupe s'appelait entre autres John Bon Jovi and the Wild One, tournant dans des clubs du New Jersey et assurant les premières parties d'artistes plus connus de la région. À 17 ans, il obtient un emploi au studio d'enregistrement dont son cousin, Tony Bon Jovi, est le copropriétaire. Les Power Station Studios situés à Manhattan, John y enregistre de nombreuses démos, dont une produite par Billy Squire, et les envoie à beaucoup de maisons de disques, mais n'arrive pas à se faire entendre. Ces démos sont finalement sorties sous le nom Power Station Year. À 18 ans, John Bon Jovi connaît sa première expérience d'enregistrement de disque en chantant la chanson R2D2, si vous voulez, We Wish You Merry Christmas, écrit par Meco Monarando et Daniel Oriolo sur l'album de Noël dans l'univers de Star Wars, Christmas in the Star. Produit par Tony Bongiovi au studio Power Station, ce titre figurera en face B du single What Can You Get a Walkie for Christmas When Here Ready Oh the Cone. En 1983, une station de radio locale, WAPP, organise un concours pour découvrir de jeunes talents. Sans contrat, John Bon Jovi engage des musiciens de studio pour jouer le morceau Runaway. Donc c'est le morceau qu'on vient d'écouter. Écrit en 1980, le guitariste sur ce morceau est Dave Sabot. Qui est Dave Sabot? Je vais juste ouvrir la parenthèse et la refermer directement. Dave Sabot est quelqu'un de très charmant qu'on a pu rencontrer à plusieurs reprises, qui est le guitariste de Skid Row. Voilà, je referme la parenthèse. Qui forme plus tard le groupe, voilà, on vient de le dire, Skid Row. Après sa victoire à ce concours, le morceau deviendra un tube durant l'été 1983. Les musiciens de studio qui ont aidé John Bon Jovi à l'enregistrer étaient connus sous le nom de The All Star Review et comprenaient Tim Pierce à la guitare, Roy Beaton au clavier, Frankie La Rocca à la batterie et Hugh McDonald à la basse. John Bon Jovi avait dès lors impérativement besoin d'un groupe. Le futur membre s'était déjà croisé par le passé, mais il ne se réunirait pas pour de bon que dans le courant du mois de mars 1983. Il fait appel à Dave Bryan, pianiste, qui à son tour a fait appel à Alec John Such, bassiste, et Tico Torres, batteur. De nombreux guitaristes se sont succédés jusqu'à l'arrivée de Richie Sambora. Alec John Such insiste auprès de John Bon Jovi pour laisser Sambora montrer ce qu'il savait faire à John Bon Jovi, et John a adoré. Tico Torres était aussi un musicien expérimenté. Il avait joué pour Miles Davis, The Marvelettes et Chuck Berry. Au total, ils avaient déjà joué sur 26 albums de différents artistes. David Bryan, c'était une recrue naturelle. Il suivra les cours de Juilliard School, prestigieuse école de musique de New York. Il avait déjà joué avec John dans Atlantic City Expressway. Je vous parlerai des débuts après. Là, on va s'écouter un deuxième titre qui s'appelle tout simplement Roulette. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM jusqu'à 10h30 avec vous, Scream, pour l'émission Backstage consacrée à Bon Jovi. Je m'excuse, j'ai plagié déjà la... Non, c'est bon, c'est Roulette, voilà. J'avais fait une petite erreur, ça arrive. Voilà, c'est parti. Red. Voilà donc, extrait donc de cet album Roulette de Bon Jovi. Alors, les débuts de 84 à 85, Bon Jovi est désormais un groupe, et tandis qu'il assure les premières parties de groupe Scandal, attire l'attention de plusieurs maisons de disques, notamment Polygram, avec lequel il signera un contrat avec l'aide d'un nouvel impresario, Doc McGee. Le premier album du groupe, album éponyme, hein, c'est celui qu'on est en train de faire le backstage, hein, là, donc Bon Jovi, est publié le 21 janvier 84. L'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis et est sorti également au Royaume-Uni. Le groupe assure la première partie de ZZ Top, ou ZZ Top, c'est comme vous voulez, au Madison Square Garden, avant même la sortie de son premier album, et de Scorpion et Kiss en Europe. Le groupe tourne un clip pour Runaway pour une somme de 90 000 dollars. Mais le groupe déteste cordialement cette vidéo, et John disait même que la maison de disques avait bousillé sa chanson et que sa vie était foutue. Ben, je veux bien avoir une vie foutue comme lui, entre nous. Il ne se doutait pas que le clip de She's Don't Know Me serait encore pire. En 1985, le deuxième album de Bon Jovi, 7800 degrés Fahrenheit, est publié, mais les réactions sont mitigées. Le magazine metal britannique Kerrang, qui avait eu des réactions très positives concernant le premier disque, a qualifié l'album de pâle imitation du Bon Jovi, donc que nous avons appris et à connaître et appris à aimer. John Bon Jovi lui-même a reconnu plus tard que cela aurait pu et aurait dû être le meilleur disque, mais le groupe n'avait eu que 3 semaines pour composer, et la tournée de 1985 était déjà programmée avant même que le groupe n'entre en studio, ce qui ajouta une énorme pression sur les épaules de Bon Jovi. Le groupe ne joue plus aucun extrait de cet album depuis longtemps, mais quelques titres live figurent sur des face B, des singles. Bon Jovi se produit à la première édition de Farm Aid en septembre 1985 et interprète 2 titres, dont l'inédit Hearts of America. Une vidéo Breakout regroupe les premiers clips issus des 2 albums et parus à l'issue de la tournée. En 1985, John fait signer Cinderella sur Polygram via Derek Schulman, groupe emmené par le compositeur, guitariste et chanteur Tom Kiefer, qui possédait un certain following dans la région de Philadelphie. Cinderella touchera les classements avec Night Song, son premier album, dont le single Nobody Fool, qui est une très très belle ballade, sera certifié disque d'or. Je vous parlerai après du fameux Slippery When Wet. En attendant, on va s'écouter un autre extrait donc, de cet album, avec Shoot Through the Earth, donc de Bon Jovi, sorti en 1984. Shot through the heart, it's all part of the game that we call love. Would you be content to see me crying after those little games you put me through? Tell the truth. Didn't somebody somewhere say you're gonna take a fall? I gave you everything, now here's the curtain call. And I'm shot in the heart as I lay there alone in the dark. Through the heart, it's all part of the game that we call love. Say you're sorry. I just don't know who you're talking to. please. Baby must have what she sees. But not this time, the tables turn. Voilà, c'était Bon Jovi avec Shout to the Hearts. RQC. Je danse et je plais. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. De cette lieu, petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. RQC, vous écoutez Backstage. Et ben voilà, vous écoutez Backstage, encore avec vous pendant une petite, un bon petit 28 minutes comme ça ensemble, hein, pour la dernière de l'année de Backstage. Alors, pour l'album Slippery When Wet, sorti donc en 86-87, hein, le troisième album Slippery When Wet, propulse le groupe au rang de superstar partout dans le monde, avec des succès tels que You Give Love the Bad Name, Living on a Prayer, Wanted, Dead or Alive. Bon Jovi affirme que l'album était ainsi nommé aux références au fameux panneau routier américain, mais Brian donne sa version, cette version-ci, pour expliquer le titre de l'album. Pendant l'enregistrement du disque, nous retrouvions souvent dans un club de striptease dans lequel d'incroyablement attirantes jeunes femmes se frottaient mutuellement avec de l'eau savonneuse. Elles devenaient ainsi glissantes et personne n'arrivait à les agripper. Même si vous en aviez très envie, Slippery When Wet a crié l'un d'entre nous, et les autres membres ont su tout de suite que cela devait être le titre de nouvel album. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser un peu à la référence de l'album censuré de Slippery When Wet, où on voit justement un t-shirt, on peut se procurer ce t-shirt là d'ailleurs, où il est marqué Slippery When Wet, un t-shirt un peu troué, porté par une on voit pas le visage de la jolie femme, mais avec une ravissante poitrine. Voilà, cette pochette a été censurée. Donc, c'est le titre de nouvel album. À l'origine, nous pensions mettre une photo d'une grosse poitrine, donc c'est ce que je vous disais, hein. Une poitrine vraiment énorme sur la pochette, mais lorsque une association de protection de la moralité dirigée par les femmes de l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique, Al Gore, l'a découverte, nous avions eu des ennuis. Nous avons donc transformé la pochette pour faire quelque chose de décent. Voilà, mais quoique, on peut encore il y a certaines personnes qui l'ont en collector, hein, mais bon, c'est très cher. Pour s'aider à la composition, John et Richie contactent Dance Manchild, qui avait travaillé pour Kiss, leur permettant de décrocher un hit mondial avec If What's You Made For Loving You, I Was Made For Loving You, que vous connaissez tous de Kiss, hein, recyclant l'une des chansons écrites pour Bonnie Tyler, A Fury Woman and I Was a Man. Nesmond utilise le refrain pour You Give Love the Bad Name. Le premier morceau écrit dans cette collaboration est Age of a Broken Heart, mais il terminera sur une face B, créant une polémique auprès des fans qui voient que en cette chanson la légitime 11e titre de Slippery When Wet. L'album se vend à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie fin 1986. Durant la tournée qui suit, le chanteur John Bon Jovi commence à éprouver des difficultés vocales. Il les note très hautes et l'emploi du temps chargé menaçant d'endommager sa voix définitivement grâce à un entraîneur vocal. Il a réussi à surmonter ses difficultés, mettant depuis à chanter un ton plus bas. Le point d'orgue de cette tournée est la tête d'affiche au Monster of Rock à Castle Lumington avec Dio, Cinderella, Anthrax et Metallica. Une fois la tournée achevée à Hawaï, le groupe prend quelques semaines de vacances avant de s'atteler au quatrième album. 70 morceaux seront composés et enregistrés, tandis que 22 seront totalement finalisés. La maison de disques s'oppose au projet de sortir un double album studio, trouvant cela risqué commercialement. On vous parlera du New Jersey après. On va s'écouter Love Light, une chanson aussi que j'aime vraiment beaucoup sur cet album. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Then I found you. Never thought it would be this way. Showed you my heart. I left it unguarded like a thief in the night. You stole it away. Now vengeance for a face that he dreams of night after night. Time goes on, all signs of life stolen. Simple dreams were all broken. Best of times become desperation. But how many tears must you cry to survive? Just a victim of the headlights. You're running on into the cold night. Love Lied, de Bon Jovi, l'album sorti en 1984, titre éponyme d'ailleurs de cet album. Donc le New Jersey de 88 à 90, l'album suivant de Bon Jovi, New Jersey, est publié en 88 et s'écoulera à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Vers les années 2000, l'album est enregistré peu de temps après la tournée Slippery When Wet, car les membres du groupe voulaient prouver qu'ils n'étaient pas les hommes d'un seul succès. Cet album est l'un des favoris parmi les fans et représente certainement la quintessence du groupe, avec des tubes tels que Bad Medicine, premier des classements, Laid Your Hand on Me, Born to Be My Baby, Living in the Sin et I'll Be There for You, premier également. Ces 5 singles se classeront tous dans le top 10 américain, ce qui fait de l'album New Jersey le premier album de Hard à réussir l'exploit de classer autant de hits issus d'un même disque dans le top 10. Ces titres figurent d'ailleurs toujours en bonne place dans leur tour de chant. Néanmoins, New Jersey faillit marquer la mort du groupe, car ils repartent en tournée presque directement après celle très lourde du précédent album. Cette vie en permanence sur les routes a presque détruit les liens très forts qui unissaient John Bon Jovi et Sambora. Le groupe réussit malgré tout à s'en sortir et entame une pause avant leurs efforts studio suivants. C'est Skid Row qui accompagne Bon Jovi sur la route, mais en remerciant de cette faveur, John signe un contrat pour les remercier, où il garderait la majorité des royalties du groupe. Intéressant. D'autant plus que leur premier album s'écoule à 4 millions d'exemplaires aux États-Unis. Cela déclenchera une guerre par presse interposée entre John et Sébastien Bach, chanteur donc de Skid Row. Le charismatique leader du groupe de Skid Row, c'est le magazine Kerrang qui lance la rumeur de la division du groupe avant la fin de la tournée. Richie Sambora étant apparemment peu satisfait de son simple statut de bras droit dans le groupe. De plus, le groupe surfant sur une grosse vague de succès depuis plus de 3 ans, le magazine s'interrogeait sur la capacité de Bon Jovi à pulvériser les charts une nouvelle fois, puisque le groupe avait eu 4 chansons premières au Billboard. Il ne s'agissait néanmoins que de rumeurs. Même si l'ambiance dans le groupe était très morose pour couronner ses années de succès, le groupe souhaitait sortir First Five Live, un double album live avec une face 33 tours remplie de titres inédites, des séances d'enregistrement de New Jersey, mais le destin en décida autrement et c'est bien dommage. Là je vais vous parler un petit peu de l'album solo de 90 à 91. En 90 et 92, les membres du groupe font leur chemin chacun de son côté afin de se ressourcer avant l'écriture de l'enregistrement de leur album suivant. Ces temps morts ont mis profit pour déterminer comment Bon Jovi allait s'adapter dans le monde de la musique en perpétuelle évolution. John Bon Jovi enregistre un album solo de la bande originale du film Young Guns 2, un très bon western que je vous conseille, dans lequel il apparaît pendant moins d'une seconde, plus communément connu sous le nom de Blaze of Glory. Des invités prestigieux font une apparition sur l'album: Elton John, Aldo Nova, Little Richard, Jeff Beck. Entre autres, cet album est bien accueilli commercialement et reçoit des critiques très positives. Le titre éponyme Blaze of Glory vaut à John une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson aux American Music Awards. Bien qu'il n'ait pas remporté le prix ce soir-là, la chanson reçoit le Golden Globe la même année. Sambora sort également un album solo en 1991 intitulé Stranger This Town. Cet album était principalement influencé par le blues et bien qu'il ait été bien reçu dans la critique et les afrosignados de la guitare, Il ne s'est pas très bien vendu, 400 000 exemplaires aux États-Unis. Eric Clapton fait une apparition en tant que guitariste sur la chanson Mr. Bluesman, tandis que David Bryan et Tico Torres jouent sur tous les disques. Ils participent aussi aux frais de la tournée Les gens de la maison de disques. Devant les fers ayant été licenciés, David Bryan excusez-moi, enregistre la bande originale du film d'horreur The Natural World. Torres invite le monde de la musique en général. Such fait une chute de moto et s'en est sorti avec une blessure à la main, l'obligeant à développer une nouvelle technique pour jouer de son instrument. Voilà tout ce qui s'est passé en 90-91 pour le groupe Bon Jovi. On va s'écouter Breakout, notre titre de Bon Jovi. Je vous ai parlé, c'est le dernier clip qui était sorti sur l'album donc de Bon Jovi de 84, qui était sorti une année plus tard, où regrouperait toutes les images des autres clips. Breakout. Breakout. Breakout, donc le titre, le sixième extrait donc de cet album de Bon Jovi. Alors l'album est sorti le 21 janvier 1984. Il a été enregistré en juin 1983 au Power Station New York City. Il est d'une durée de 38 minutes 29. Il est considéré dans le genre plutôt hard rock. Il est produit par Tony Bongiovi et Lance Quinn et il est sorti sur le label Polygram. Toutes les pistes sont de John Bon Jovi et de Richie Sambora, sauf s'il y a d'autres titres, mais ça m'étonnerait. Runaway, Roll en 1, Roulette, 2, She's Don't Knock Me, en 3, en 4, Shoot Through the Hurts, en 5, Love Light, en 6, Breakout, Burning for Love, en 7, Comeback, en 8 et 9, Get Ready. La formation, c'est John Bon Jovi, Richie Sambora, John Bon Jovi chant guitare, Richie Sambora guitare solo et chœur, David Bryan clavier, Alec John Such à la basse, Tico Torres à la batterie et le public, parce qu'il y a des prises en public, c'est le public tout simplement. D'autres musiciens se sont rajoutés un peu à cet album, il y a Aldo Nova, Tom Pierce, Hugh MacDonald, Frankie de la Rocca, Roy Beaton, David Graham, et Mick Staley. Je vous parlerai deux secondes après pour terminer autour de l'album. Il y a quelques choses à vous dire. Là, on va s'écouter Burning for Love, l'avant-dernier titre. Voilà, donc c'était Burning for Love. Alors, quelques petits trucs comme ça autour de l'album. Je vais laisser la musique de fond. Hein. Le groupe souhaitait que le disque porte le nom Talk Talk, mais la maison de disques s'y est opposée, trouvant que l'idée de l'album éponyme au nom du groupe serait plus sage. C'est l'album le plus court du groupe, ayant uniquement 9 chansons pour moins de 40 minutes, donc 38 minutes 29. Deux singles sont sortis de manière internationale, Runaway et She's Don't Know Me, respectivement 39e et 48e place au Billboard 100 des USA. Le troisième extrait, Burning for Love, n'ont été disponibles qu'au Japon, ben, c'est ce que vous écoutez là pour l'instant. De nombreux titres furent laissés de côté et apparus au fil des ans sur des bootlegs ou bien sur le web, Heartbreak, Ice, American Dream, Tonight ou bien Promise. Ils existent même un enregistrement de Summertime Blues d'Eddie Cochran sur la tournée The Circle. Le groupe a rejoué Roulette, ce qu'il n'avait plus fait depuis 25 ans. Allez, nous, il est l'heure de se quitter. On se fixe rendez-vous l'année prochaine, la semaine prochaine, donc, pour un nouveau backstage. Changement d'heure aussi. On se retrouvera une demi-heure de plus, de 9h30 à 11h. Ciao, ciao, les amis. Passez de bonnes fêtes. Et si vous prenez la route ce jour-là, ben, soyez prudents. Pensez à Bob. Pensez à Sam pour la France. Pensez à Bob. Et voilà, prudence sur la route, les amis. Et passez de bons réveillons de fin d'année. Ciao, ciao, et on se quitte avec Comeback de Bon Jovi, qui était consacré donc à cet album sorti en 1984. Ciao et bonne année! Il y a du monde.